jour numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. As-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-allama al-shaykh عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس التوضيح والبيان لشجرة الإيمان فصل إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين بل هو اسم للدين كله علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. في هذا الفصل après avoir terminé le chapitre précédent dans lequel رحمه الله تعالى il a expliqué l'iman أنه اعتقاد في القلب c'est une croyance dans le cœur كذلك c'est des paroles avec la langue كذلك c'est des a'mal, des actes avec les membres. Et il a cité plusieurs ayat min al-Qur'an al-Hakim et plusieurs ahadith min sunnati al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. في هذا الباب رحمه الله il a cité ma yata'allaq bi ziyadati هذا الإيمان wa naqsih. Donc, aqidatu أهل السنة والجماعة عقيدة السلف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. C'est le chapitre précédent. Croyance, parole et acte. وهكذا الإيمان عند السلف يزيد وينقص. La foi, elle augmente et elle diminue. Dans ce chapitre, il va citer الأدلة, les preuves sur ce point, le fait que la foi elle augmente et elle diminue. Thomas, dans le chapitre suivant, qui est très très profitable, كذلك, il va citer les causes. Aujourd'hui, on essaye de faire هذا الفصل, et inshallah ta'ala, le prochain cours, on commencera les causes. قال رحمه الله وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه لا شرعا ولا حسا ولا واقعا. Et هكذا المؤمن par rapport à sa aqida, par rapport à sa croyance, le muslim, il faut qu'il soit ثابت. كم من أدلة il a cité. Il n'a pas tout cité. On a, c'est un résumé. أما في كتب الاعتقاد, كتب الأئمة qu'ils ont écrit في الإيمان, مثلا كتاب الإيمان الأوسط de l'imam Ibn Taymiyyah رحمة الله عليه. كلام كثير في هذا الباب. Et كتب السنة, des grands imams que Sharia ou l'Ibana, l'Ibn Batta ou Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah et combien de kutub ici des chapitres sur l'Iman, ils expliquent aqidat al-salaf et ils répondent sur les mubtadi'a qui se sont égarés dans ce bab. Al-murji'a madalan yaqulun anna al-amal ça fait pas partie de l'Iman. Al-murji'a madalan yaqulun anna al-Iman la yazid wa la yanqus. Tu trouves des redoutes pour eux, la foi elle diminue pas, elle augmente pas. La foi c'est un bloc indahum, tu l'as ou tu l'as pas. Wa hakada al-khawarij harafu indahum, si al-mu'min il fait un grand péché, sa foi elle diminue pas, pour eux il perd complètement sa foi. Inhiraf wa dalal. Et les savants ils ont réfuté. Hada ça nous montre deux points importants. Anna, pour ne pas avoir de doute, pour ne pas avoir d'ambiguïté, al-ishtibah qu'il a cité, on a, c'est que ça ne soit pas clair. On répète, wa hadhihi al-mas'ala la taqbal al-ishtibah. Ce point concernant l'iman, tu ne peux pas on a, avoir de doute, ou prétendre que les choses ne sont pas claires, ou comme ils disent certains dhullal, il y a divergence. On vit à une époque, al-nabard al-dhullal, même dans ces sujets, مثلاً تارود على المرجئة أو الأشاعرة أو الصوفية, ils te disent mais faut pas être dur, il y a divergence, chacun son avis. N'a'oudou billah. Et les textes. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le Coran? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le messager sallallahu alayhi wa sallam? Que pour être suivi? Certaines choses ça accepte pas l'ishtibah et la divergence. Ça c'est un asl, c'est un fondement de notre dîn. Les textes ils sont clairs. Il en a cité plusieurs. Donc on revient aux deux points pour bien comprendre et ne pas être touché par ses doutes, par ses ambiguïtés. Awalan, étudier le sujet, c'est ce qu'on a fait dans le premier fossile. Adilla, pourquoi on dit que la foi, c'est parole, acte et croyance? Pourquoi ça ne serait pas comme ils disent le Mourdia? Parole et acte. Ou plutôt croyance dans le cœur et parole pour eux. Ils ont fait sortir les actes. Al-Karamiya, ils disent c'est qu'une parole. Même si tu ne crois pas. Na'oudou billah min ad-dalal. Tant que tu prononces, tu dis, fa t'es un mu'min. Enfin, les hypocrites pour eux, c'est des croyants. Na'oudou billah. Anzurou l'inhira. Enfin, pour éviter tout cela, il faut apprendre. Donner du temps. Khassatan en tant que croyant. Tu es un croyant. Ou tu es une croyante. Donc tu as la foi. C'est quoi la foi? Tu prétends voir une chose. Est-ce que tu connais cette chose? Tu es trop au bord du juhal, un à cause de l'ignorance. Et à cause des égarés. Ils ont ces ambiguïtés. Quand tu lui parles de la foi, ou la gravité des péchés, ça peut faire du mal à la foi. Qu'est-ce qu'ils disent? La foi, c'est dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas donné du temps. Ils auraient donné du temps. Ils auraient donné du temps. Maintenant, hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, atadruna mal-iman. On se pose cette question, on peut se poser cette question. C'est quoi la foi? Nabi Sallam, il a répondu: Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamu s-salah wa ita'u zakah, etc. Nabi Sallam, il a cité des piliers de l'islam pour montrer anna la foi, c'est pas comme certains disent dans le cœur et je ne fais rien. Là, c'est dans le cœur. Et si tu es sincère et véridique, on le verra dans ta vie de tous les jours. Tu feras salat, etc. Un wahed qui fait rien, il n'a rien à voir avec l'islam. C'est qu'une prétention. Thomas, il dit, c'est dans le cœur. Là, la foi, c'est dans le cœur. La mécréance, Kedalik, c'est dans le cœur. L'égarement, Kedalik, c'est dans le cœur. Enfin, fais un choix. Fais un choix et ne te contredis pas. Et fais des efforts. Malbard, ça, ils disent, la foi, c'est dans le cœur. C'est qui te garantit que tu as la foi? Même si tu fais des efforts, tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, thabat. Ya muqallib al-qulub, thabit. قلبي على دينك انظروا هذا الدعاء اسمعوا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم il a demandé الثبات pourtant c'est le meilleur croyant c'est celui qui avait la foi la plus complète عليه الصلاة والسلام il a demandé الثبات pourquoi parce qu'il connaissait il recevait la révélation tu trouves un واحد il n'a rien à voir avec l'islam il fait tous les péchés possibles il ne met aucune adoration en application. Thomas, quand il est conseillé, très simplement, Bidoun Khajal, il répond, la foi, c'est dans le cœur. La foi, c'est dans le cœur. Celui qui a vraiment la foi, ça le pousse à la modestie. Et écoute le conseil. Pourquoi ils disent la foi, c'est dans le cœur? Que pour te rejeter ton conseil. En gros, tu n'es pas mieux que moi. Ce que j'ai fait, c'est pas comme tu prétends, ça fait du mal à ma foi. Pourquoi? Parce que la foi, je l'ai dans le cœur. Et vu qu'il sait très bien que tu ne peux pas dire... ce qu'il y a dans son cœur ou pas, il te bloque avec hada. Ça fait partie de l'ignorance. Le cœur, c'est un récipient. Comme a parlé Ibn Qayyim et d'autres savants, le cœur, c'est un récipient. Et tout ce qui est dans ce récipient, il transparaît, il apparaît sur la langue et les membres. Celui qui dit du bien, qui fait du bien, qui met en application le bien, il a la foi et du bien dans le cœur. Celui qui dit de la mécréance, il fait de la mécréance, il délaisse l'islam, il a de la mécréance dans le cœur, même s'il se prétend mu'min. Il n'a fait le jassad mudra. Il n'a fait le jassad mudra. Il a salahat salaha. Le jassad kulluh. Hakada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si le cœur il est bon, tout le corps il est bon. S'il est mauvais, tout le corps est mauvais. Allah musta'an. Qala alayhi rahmatullah. On a cité le premier point. Avant que j'oublie, on termine. Donc le premier point, pour éviter hada l'ishtiba, pour éviter ces doutes, les ambiguïtés, que ça ne soit pas clair, ce point, que ce soit sur l'iman ou d'autres, n'importe quel fondement. Notre livre c'est sur la foi, une étude. Le deuxième point, connaître les égarements de ceux qui se sont égarés dans ce point, en lisant Rudud Ahl al-Ilm, en lisant les livres de Aqida, tous les savants, que ce soit Sharh Tahawiyya, que ce soit dans Al-Wasatiyya, les livres encore plus vastes. Tous les savants, ils ont réfuté, fi bab al-Iman, les groupes égarés. Al-Khawarij, qui se sont égarés dans l'Iman, et l'autre extrême, Al-Murji'a. Enfin, si tu apprends ta Aqida, maintenant, tu apprends le chapitre sur l'Iman de l'Wasatiyya, il est très très profitable. On l'a étudié ensemble, wallillahilhamd. Et, fi shorh, al-ulama, il t'explique les égarements de ceux qui ont contredit cette foi que tu as appris, le premier point. Donc, avec le deuxième point, la réfutation, et le premier point, la base de la foi, alhamdulillah, tu seras préservé de hada al-ijtiba. Et ma'ahada, avec ces deux points, ces deux efforts, demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te raffermisse. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te guide, qu'il te préserve ta foi, etc. Qala, la shar'an wa la hissan wa la waqi'an. Et tu n'auras pas d'ishtiba, d'ambiguïté, de doute. قال وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه لا شرعا bien sûr au niveau adilla tu auras des preuves qui prouvent qui montrent ta croyance concernant la foi que c'est dans le cœur sur des paroles et كذلك des actes avec les membres ولا حسا on verra هذا il l'a expliqué ولا واقعا كذلك il l'a expliqué حسا c'est ce que tu vois الحس c'est les cinq sens الواقع سسكي دون الواقع سيأتي قال وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه donc ce فصل pour revenir à notre cours هذا الفصل c'est في الزيادة والنقصان sur l'augmentation de la foi et la diminution il y a plusieurs أدلة qui prouvent هذا قال مثل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون Il a cité ces versets. Vous avez remarqué que tous ces versets فيها الزيادة. Tous ces versets, c'est que sur l'augmentation. Et tu ne trouveras pas في القرآن un verset sur la diminution. Al-Adillah fi al-Qur'an concernant l'augmentation et la diminution, tu trouveras que sur l'augmentation. Liyazdadu wa yazdad, le troisième verset fazadahum, le quatrième ayyukum zadathu na'am. Donc, il a bien cité 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, les 4 yads, il y a la ziyada, l'augmentation. Qal wa ghayriha min al-ayat. Al-ulama yaqouloun. أن dans le Coran il n'y a pas un naqs qui est cité lui-même le mot naqs tu ne trouveras pas par rapport à l'iman lakin ça ne change rien hada. Pourquoi أولاً, on a des adilla min as-sunna qui le prouvent et notre din notre religion elle est fondée sur le Coran et la sunna. Tu as des adorations qui ne sont pas citées dans le Coran et elles sont citées dans le Sunna. Beaucoup d'adorations. Et ثانياً قالوا أن الزيادة c'est une preuve على النقصان. هذا c'est واضح, comme on a expliqué en détail dans Al-Wasitiyya et dans d'autres livres. Pour faire plus simple, si la foi elle monte, c'est qu'elle était faible. Une chose qui monte, on peut parler en degrés. Une chose qui monte, maintenant elle atteint, elle est à 50 degrés. Thomas, cette chose, elle monte à 60 degrés. Enfin, quand elle est à 60, elle a augmenté. Elle a atteint 60. Donc 50 par rapport aux 60, c'est bas. C'est la diminution. Si elle a augmenté, c'est qu'elle était basse. Une chose qui augmente, c'est qu'elle était basse. Enfin, adillatu ziyada, c'est des adillah ala nuqsan. Les preuves sur l'augmentation, c'est des preuves sur la diminution. Hada, c'est wadih. Qala, wa kadhalika al-hiss wal waqi' يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك أما الحس والواقع c'est ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu entends. Enfin, tous les jours, tu vois, tu entends. Et les gens, ils savent, Les gens, ils ne sont pas au même niveau de foi. قال فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وفي أعماله الظاهرة والباطنة ils sont pas au même niveau, متفاوتون. Est-ce qu'on a tous la même science? Là. Est-ce qu'on fait tous les mêmes efforts? Certains ils lisent un juz par jour de Coran, d'autres ils lisent un hizb, d'autres moins, d'autres plus. Est-ce que on fait tous les mêmes efforts fi salat? On a tous la même concentration? Est-ce que on fait tous les mêmes adhkar? Est-ce qu'on fait tous les mêmes œuvres de bien? Certains font plus de sadaqa qu'autres, que d'autres. Ça montre que celui qui fait plus, c'est qu'il a plus de foi dans ce point. Celui qui fait moins, il a moins de foi, etc. On aurait tous le même iman, comme ils disent les égarés, min al-murji'a ad-dallal. Enfin, on ferait tous la même chose. L'iman, d'ailleurs, la base de l'amal, c'est la foi. À Mahom, ils ont fait cette différence et ils se sont égarés. قَالَ مُتَفَوِّتُونَ تَفَوُّتًا عَظِيمًا فِي الْقُوَّةِ وَالْكَثْرَةِ. Andorou, al-quwa, dans la force, on n'est pas pareil, la force de faire les choses. Maintenant, tu trouves certains, ils ont la force, ils jeûnent beaucoup, ils se déplacent, ils voyagent, ils font du khair. D'autres moins, ils ont pas hadhihi al-quwa. Maintenant, tu trouves certains, ils ont quwa, ils font beaucoup plus de amal que d'autres. On ne parle pas de celui qui est excusé. Celui qui est excusé, enfin. Et il veut vraiment faire, hada, c'est autre chose. Là, on parle de Al-Quwa, ils sont les deux au même niveau physique, ils peuvent faire la chose. Là, on différencie, on est entre Al-Quwa et Al-Qudra. Al-Qudra, celui qui n'est pas capable, il est excusé. Lakin, Al-Quwa, les deux, ils sont capables, lakin, wahid, il est plus motivé, Allah, il le guide, il le wafak, il fait plus. Voilà, chacun, ils ne sont pas pareils. Al-Qudra, c'est wadih, on a donné des exemples. Celui qui jeûne le lundi et le jeudi, et l'autre, il ne jeûne pas le lundi et le jeudi, enfin, dans ce point, là, je sais qu'ils ne sont pas comparables. Ah, là, il fait, l'autre, il ne fait pas. Ah, ouais, il jeûne madri combien de jours, l'autre, il en jeûne deux fois moins. Enfin, ce n'est pas la même chose. قال ووجود الآثار وجود الموانع وغير ذلك فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم من علوم عموم كثير من المؤمنين. نعم علوم عموم كثير من المؤمنين. الكمل ça vient de الكمال. Et كمال الإيمان c'est une foi très élevée. Enfin, ceux qui ont une foi très élevée, enfin, il n'y a aucun doute, un homme, ils font des efforts dans la science, dans la mise en application, ils font des sacrifices, ils font beaucoup de choses que d'autres, beaucoup de mu'min, la grande majorité, ils ne font pas. Est-ce que les efforts d'un savant de l'islam, et si c'est un savant, il apprend pour mettre en application, donc sa science et sa mise en application, c'est comme un ignorant? Est-ce que celui qui passe une grande partie de la nuit à étudier ou à faire la salat, il veille et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme celui qui dort toute la nuit? Abadan. La yastawi alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, il a démontré ان هذا il n'est pas comme هذا. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam قال المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. On parle pas de القوة الجسدية هنا. Il y en a la force physique. Tu peux trouver quelqu'un qui est beaucoup plus fort qu'un autre et le plus faible, il est meilleur que l'autre. عند الله. Là, on a c'est القوة dans l'ilm, dans la science, dans la mise en pratique, dans l'adoration, etc. القوي في دين الله, il est mieux que الضعيف. Et ils sont pas pareils. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime plus القوي, celui qui fait plus d'efforts. Et c'est tout à fait normal. قال فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة. هذا مثال طيب. On prend le comportement, on prend les œuvres, on prend la science. Il y a une énorme différence entre maintenant les savants et les ignorants. فبعض الناس maintenant leur علوم كما قال الشيخ هنا ضعيفة مجملة. Certains leur science c'est que des choses approximatives, c'est des choses globales, ils peuvent pas détailler et ils sont très très restreints et ils ont une énorme faiblesse dans la science. Madeleine, tu peux demander à un ignorant les piliers de l'islam, il peut les citer. Et certains, ils n'arrivent pas à les citer. La question prend celui qui peut les citer, il peut les citer. Si tu lui demandes une explication approfondie de tous les piliers, un savant de la Ummah, de la Sunna, il va te citer les cinq piliers et il va te les détailler, te les expliquer avec tes adillah, etc. Là, chaque année, il y a une énorme différence. Haqiqa, le sujet il est tellement clair que trop détaillé, ça peut compliquer les choses. Là, c'est clair. Lakin, malgré cette clarté, tu trouves un al-bid'a. Ça nous montre quoi? Ça nous montre un al-bid'a. Ça fait du mal même à la raison. Même les choses claires, ils n'arrivent plus à les comprendre. Al-Murji'a pour eux, la foi de Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, et la foi d'un ignorant pécheur, fasiq, c'est la même. Pourquoi? Parce que eux, ils disent niveau foi, la foi, c'est qu'une chose. S'il a la foi, il a cru, l'autre aussi, il a la foi. C'est pas un mécréant, il a cru, c'est la même foi. Na'oudou billah min al-dhalal. Alors qu'en lisant hadha al-kalam, al-mufid, seul, celui qui a l'iman et qui a la raison, et il n'est pas mu'anid, chacun a. أن الكلام إلي كلير. قال فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة. نعم même leur أعمال قليلة. Certains مثلا ils font les 5 salawat, ils font le jeûne de mois de Ramadan, ils font le hajj une fois dans leur vie et ils sortent la zakat une fois par an et ça s'arrête là. Alhamdulillah, celui qui fait ça, il est à la khair azim à notre époque. À notre époque, il y a des faiblesses même dans les piliers de l'islam. Certains ne font pas le hajj, certains ils donnent pas la zakat, certains ne font pas le siyam, etc. Mais maintenant, on prend celui qui fait les cinq piliers. Et alors, après, il travaille, il fait sa vie. Il ne cherche pas à faire plus. Tu trouves un autre, là, il fait Ramadan et il jeûne le lundi et le jeudi. Il fait le hajj, il fait l'umra, il essaye de faire l'umra de temps en temps. Il fait les cinq salats et il fait salat al-duha, salat al-witr. Il fait qiyam al-layl. Est-ce qu'ils sont comparables, là? Là, ils sont comparables à cinq croyants, à cinq croyants. Lakin, est-ce qu'ils sont comparables au même niveau? Abadan, il a plus haut niveau que Hada. Même si Omour Dunya, c'est clair. Tu prends Akfar el-Kavirin et tu lui cites deux hommes dans une même entreprise. Wahad, il ne fait jamais de problème. Il est calme. Il vient à l'heure. Il fait son travail correctement. Il a un bon comportement, etc. Un autre, il vient pas à l'heure, il fait plein de problèmes, il bâcle son travail. Est-ce que on demande maintenant au patron de cette entreprise, est-ce que là, ils sont pareils? Personne, celui qui a la raison, il dira, ils sont pareils. Là, il dira, ah, là, il est plus efficace, il est plus agréable, etc. Qala, وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة. Donc il a parlé de ziyada, l'augmentation, et هنا il a fait une ishara sur un nuqsan. Et tu trouves عند كثير من الناس, ils ont des معارضات, شبهات, شهوات, des choses dans le cœur. Il a des شهوات, des passions, des شبهات, des ambiguïtés, afkar. Ils ont des choses, des pensées qui leur font beaucoup de mal. Beaucoup de mal, et l'échec, ça affaiblit leur foi. Bardenas, s'ils ont des ambiguïtés, ça les écarte de certaines adorations. Et ça endurcit le cœur, et Shaitan, il en profite, et l'échec, leur foi, elle diminue. قال بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كبيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان. تقدم معنا أن même dans le fait de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est pas au même niveau. Je trouve certains, ils ont un tasdiq azim. D'autres, ils croient, mais ils n'ont pas la même croyance que les autres. Même dans la base, maintenant dans la science, on n'est pas tous au même niveau. Tu peux savoir une chose, un autre, il sait une chose, mais la science qu'il a, maintenant la première personne, la science qu'elle a, c'est plus que l'autre. Pourtant, c'est le même sujet. قال أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة والآخر علمه فيه ضعيف. نعم تتخوف مثلا واحد il a de la science dans tel sujet concernant la salat, concernant le siyam, concernant l'aqidah, n'importe quel sujet, علم قوي صحيح. Comment avoir هذا العلم القوي الصحيح؟ La sincérité, étape par étape, en revenant au savant. La régularité, la patience, s'écarter de la polémique, tout ça donnera un ilm qawi, sahih, en prenant ton ilm du Coran et de la Sunna, et de manhaj, la voie des compagnons, radiyallahu anhu. S'écarter du taqlid, s'écarter un tel a dit sans preuve, etc. Tu verras que ton ilm il sera fondé sur quelque chose de solide. Ils ont des connaissances du ilm dans certaines choses, lakin avec des ambiguïtés. Si tu réfutes maintenant un de ses propos, maintenant tu lui dis là, ce hadith il est daïf, il sait plus comment faire. Ça c'est un ilm daïf, hazil. Al-quwa, wa as-sihha dans l'ilm, c'est très très important. C'est pour ça qu'on doit faire attention, Huna. En tant qu'étudiant, on recherche la science, on doit rechercher la science, Huna, qui ont hada l'ilm al-qawi as-sahih. Ce n'est pas tous ceux qui ont étudié qui ont ce ilm. Ce n'est pas tous ceux qui se mettent en avant qui ont ce ilm. Je trouve Ardennas, ils propagent des choses là qu'ils ont plein d'ambiguïtés. Ils ont plein de faiblesses. Pourquoi? Parce qu'ils ne reviennent pas aux savants. Ils n'ont pas pris la science des savants. Ils se précipitent. Qala, ilmuhu fihi qawiyun sahih. La raiba fihi wa la shubha. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, l'autre, sa science, il a des faiblesses. Tu peux lui demander des sources, il manque la moitié, ou il ne les connaît pas. Il mélange. Mais si, pourquoi un tel il a dit ça? Mais j'ai entendu, Thomas, des choses, il pense que ça s'oppose, ça se contredit. Et à la fin, c'est plus une science bénéfique, c'est des ambiguïtés. Même lui qui a ses connaissances, il ne peut pas en profiter. Qala wa kadhalika akhlaqul iman. Donc, premier exemple sur l'ilm. Il a montré des différences. Et la chèque en l'ilm, ça fait partie de l'iman. Pourquoi? Parce qu'on parle du ilm, le Coran et le Sunna, la révélation. Et bien sûr, ça fait partie de la foi. Belle, c'est une cause pour que la foi l'augmente. Wa kadhalika akhlaqul iman. يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرة صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها. Bien sûr, prends l'exemple de sobre, la patience. Est-ce qu'on patiente tous pareil? Certains croyants, ils ont une énorme patience. D'autres, ils arrivent à patienter un certain temps. D'autres, ils sont très très faibles. La moindre chose, et ils ne patientent pas. Ou ils patientent très peu. Prends l'exemple de Al-Hilm. Prends l'exemple de n'importe quel comportement. La douceur, on est tous pareils, là. Là. Le fait d'être véridique, on est tous pareils, là. Certains croyants, ils mentent quelquefois. Certains croyants, ils mentent beaucoup. Certains croyants, c'est devenu une maladie. Iyadam billah. Ils ne peuvent plus se passer de mentir. Est-ce que, Ha'oula, ils sont comme un croyant qui s'efforce de ne jamais mentir? Enfin, on ne peut pas les comparer. Abadan. Et tous les actes du cœur, c'est comme ça. Il a cité certains exemples. Tu peux parler maintenant de tawakkul. Est-ce qu'on a tous le même tawakkul là? Tawakkul, c'est placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Espérer que d'Allah. Mettre les choses à leur place. Une cause, c'est une cause. Celui qui donne, c'est Allah. Celui qui peut me priver, c'est Allah azza wa jal. Seul, personne d'autre. Est-ce qu'on est tous pareils là? Qala wa kadhalika fil ibadat al-zahira kas-salati yusalli اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة. نعم، اثنان صلاة واحدة وكذلك في العبادة الظاهرة الصلاة يصلي اثنان. نعم، j'avais mal lu. On répète. كالصلاة يصلي اثنان. اثنان c'est le فاعل, c'est le sujet. أي deux ils font صلاة. Ah, ou plutôt deux, ils font la même salat. Hakada. Kas salat. Yusallitnan salat al-wahida. Aïe, deux frères, ils font salat al-dohar. Donc, ils font la même salat. On peut aller encore plus loin dans le même masjid. On peut aller encore plus loin l'un à côté de l'autre. Qal wa ahaduhuma yu'addi hukukaha al-zahira wal-batina. Wa ya'budu Allah ka'annahu yara. Fa illam yakun yara fa innahu yara. Un des deux, il respecte la sunna. que ce soit les gestes, comment faire la salade, et kadhalik dans son cœur. Il est concentré, il sait ce qu'il dit, il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme si Allah azza wa jal, il voyait hada al-mu'min. Il lam yakun yara, ou plutôt, non, j'inverse, il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme si lui, il voyait Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, la chèque, il nous voit. C'est comme si il voyait Allah. Il lam yakun yara, vu que lui ne voit pas Allah, innahu yara. Allah, il le voit. Et ça, c'est min a'zam asbab taqwiyat al-iman. Ce point, il est essentiel, ya ikhwan. Pour salat ou autre, se rappeler qu'Allah, il nous voit et il nous entend. Ça t'aidera beaucoup à avancer dans ton dîn, à mettre en application les ordres, que ce soit obligation ou sunnah, et à t'écarter des choses qui ne sont pas que Allah il n'aime pas, que ce soit interdiction ou des choses makruha. Fa in lam yakun yara fa innahu yara. Si toi tu vois pas Allah, Allah il te voit. Est-ce que ce mu'min qui fait la salat de cette façon, c'est comme ce mu'min qui est à côté de lui, wal akhar yusalliha bi dhahiri. Là, il fait les gestes, et encore, hein, on peut aller plus loin dans l'exemple. Certains, même les gestes, c'est pas. Tu sens qu'il n'y a pas de concentration comme l'autre. Non, mais il ne lève pas les mains comme Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il les levait, il ne fait pas ruku' comme Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il faisait, etc. Tu trouves rien dans le même rang, ou un hadith à la sunnah, et l'autre, il enlève des choses, il rajoute des choses. Qal wa batinuhum mashghulun bi ghayriha. Amma l'intérieur. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Tu trouves à Hiyanan, deux, ils sont collés dans le même rang. Et Wahed, sa salat, elle atteint des degrés très très élevés, inda Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre, il est mashghoul. Dès qu'il fait takbir, il voyage et il rentre au taslim. Il ne sait même plus ce qu'il a récité, ce qu'il a fait, etc. Mashghoul, l'imada, il y en a cette salat, il faut la préparer. Celui qui pense qu'à dunya, toute la journée dans dunya, il ne fait pas d'effort pour purifier ce cœur, pour augmenter sa foi. Quand il rentrera dans ce salat, il fera le takbir et le cœur, il n'est pas prêt à se concentrer comme celui qui fait des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Notre dîn est basé sur la justice. Celui qui fait des efforts, il arrivera à goûter à cette saveur. Celui qui ne fait pas d'efforts, il pense qu'à dunya, ce moment crucial pour le mu'min, les 5 salawat, peut-être qu'il ne pourra pas, il pourra pas attraper ce cœur, il y a une falide, comme si son cœur, il s'échappait. Il veut se concentrer, et il se concentre 30 secondes, somma, il pense à autre chose. Ça se travaille, hada, ya ikhwan. Ça se travaille avec l'ilm. Kadhalik, ce qui aide à la concentration, c'est de comprendre ce qu'on récite. Celui qui récite et qui comprend, et un autre qui récite et qui ne comprend pas, là, je sais que ce n'est pas la même chose. L'autre, il a les moyens de comprendre et de se concentrer. L'autre, ça peut être beaucoup plus compliqué. C'est valable pour toutes les ibadat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, قال, إِنَّ الرَّجُلْ لَيَنْصَرِفْ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ الصَّلَاتِ ثُمَّ قَالْ تسعها وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها وربعها وثلثها أو نصفها. Dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré que certains font salat et quand ils finissent salat, ils n'ont qu'un dixième de cette salat. D'autres, ils ont un neuvième, d'autres un huitième, etc. Et ça montre par rapport à la concentration ce que Cheikh Saadi, rahimahullah, il vient de dire. Donc ça nous montre quoi, Hada? Pour revenir à notre livre, ça nous montre que dans le même rang, dans la même mosquée, deux croyants, ils font la salade, ils n'ont pas la même récompense. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même concentration, ils ne font pas la salade de la même façon. Enfin, un, sa salade, elle est beaucoup plus proche du Coran et de la Sunna. L'autre, il s'éloigne. Enfin, là, chacun a ce rapprochement, cet éloignement, c'est par rapport à la foi. L'autre qui fait bien la salat et qui se concentre, il a un iman qawi. L'autre qui a des faiblesses, c'est par rapport aux faiblesses de sa foi. قال ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب مرتبة السابقين ومرتبة المقتصدين ومرتبة الظالمين. هذا تقدم. تذكرون؟ il y a quelques jours, page Anas, dans ma nousra, dans mon livre, page 22. قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابقون السابقون c'est ceux qui font الواجب المستحب et ils délaissent الحرام المكروه. هؤلاء ils ont une foi très élevée. المقتصدون ils font que les obligations et s'écartent des interdits. هؤلاء ils font l'obligation et ils ont des récompenses et ils font pas de haram, ils ont pas de péché. Ils font le minimum. Zalimun les anfusihim, c'est ceux qui font certaines obligations, parce que ça reste des croyants, et ils font des péchés. Donc leur foi diminue à cause de leurs injustices, à cause de leurs péchés. Donc ça montre clairement que les croyants ils sont pas au même niveau dans la foi. Donc la foi elle monte, elle augmente et elle descend, elle diminue. قال رحمه الله وكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا. Et ça on l'avait pas cité, il a précisé هنا أن même مثلا السابقون, ceux qui font beaucoup d'efforts, qui ont une foi élevée, ils sont pas au même niveau. Tu trouves certains, ils ont un niveau encore plus élevé. Même ceux qui ont des faiblesses, الظالمون لأنفسهم, ils sont pas au même niveau. Certains ils font plus de péchés que d'autres. Ça nous montre clairement que la foi elle augmente et elle diminue. قال والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية وأحيانا بالعكس. هذا c'est واضح. هذا في الحقيقة chacun de nous il le ressent. Tu le ressens tous les jours. أحيانا tu ressens que ta foi ولله الحمد elle augmente. Donc tu es motivé pour faire telle chose, telle chose. Tu écoutes un cours, tu écoutes un conseil, tu as fait du'a, tu as fait un effort et tu sens ولله الحمد que tu es motivé. Ta foi, elle augmente. La preuve, c'est que tu peux faire des choses que des fois, tu ne peux pas. Et ahyanan, tu sens que ta foi, elle faiblit. À cause d'un péché, à cause d'un mauvais comportement, à cause de certains problèmes, à cause de certaines fréquentations. Tu sens que ça va mal par rapport à d'habitude. Et le fait de ressentir hada, c'est une ni'ma. Pourquoi ? Celui qui ressent hada, c'est qu'il a la foi. La preuve, il sent quand elle monte, quand elle descend. C'est qu'il a la foi, c'est une ni'ma. Et cette ni'ma, on doit la préserver en faisant des efforts pour que ça monte. Et quand ça descend, on se ressaisit. Il y en a, on n'est pas infaillible. Ça nous montre qu'elle a la foi. Elle ne peut pas rester neutre. Tu restes neutre. Là, imma ça monte, imma ça descend. Imma tu fais des adorations, tu fais du bien. Imma tu fais des choses qui vont être la cause de la diminution de la foi. Donc ça, c'est une imma. Et c'est cela le combat principal du mu'min. Badanes, leur combat, c'est augmenter le compte en banque et tout faire pour pas que ça diminue. Toute leur vie, c'est sur elle. Toute leur vie, c'est axé, c'est basé sur l'argent, sur leur compte. Pardon, ils ont énormément. Et tellement qu'ils font d'efforts, il faut que ça monte plus. Matalan, il a une rentrée de 2000, 3000, 4000 euros par mois. Ils veulent plus. On va essayer 5000, 6000, ils atteignent 10 000, etc. Ittaqillah, akhil karim. Wallahi, tout ça, c'est que de l'éphémère. Ben, ça les occupe jusqu'à ce qu'ils meurent. Peut-être qu'haoula, ils ont négliger le principal. Il y en a tous ces biens, tout cet argent qu'ils essayent de mettre de côté, etc. Ils le mettent de côté pour un autre. Il y en a, ils vont mettre de côté. Pardon, ils mettent de côté plus qu'ils dépensent. Et un jour, ils mourront. Donc, ils mettent de côté, ils préparent cela pour un autre. Pour leur enfant, pour leur proche. Allah, Alam, qui c'est qui va hériter de hada. De cette dunya, prends ce que tu as besoin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre de l'argent de côté. Ça ne veut pas dire que le mu'min ne peut pas avoir beaucoup d'argent et être riche. Abadan. Lakin, une condition, ça ne t'occupe pas de ton dîn. Et la base, c'est de t'occuper de cette augmentation de la foi. Fais attention que ça ne diminue pas. Si tu préserves hada et en même temps, sans faire du mal à ton dîn, sans faire de péché, tu fais des causes pour avoir de l'argent, alhamdulillah. Lakin, sans l'avarice. Il y en a le bar, disons, et l'avarice, elle les pousse à des choses mauvaises. Tu as utilisé en khayr, fais du bien, et alhamdulillah. Enfin, le fait d'y penser, que ça soit un objectif pour nous, dans notre vie, et que notre foi, elle augmente, si on est touché par hada, on sera sur un énorme bien. Mais on le répète, certains, c'est que l'argent. Quand ils ont, ils sont contents. Quand ça diminue un peu, ils sont pas contents. Et Bardoum, ils ont des énormes manquements dans la foi. Bardoum, ils n'ont pas la foi du tout et ça les dérange en rien. Haoula, c'est des adorateurs de dunya. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ta'issa abdu ad-dinar. Ta'issa abdu ad-dirham. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Haoula abdu ad-dinar ou abdu ad-dirham. Et c'est des ibad de l'argent. Nous, on n'est pas des ibad de l'argent, on est des ibad de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui doit nous occuper, nous préoccuper, prendre notre temps, notre objectif, on doit se remettre en question sur l'iman. L'iman. Comment faire pour augmenter l'iman? C'est quoi qui va faire, qui peut faire diminuer notre foi? Encore plus grave, c'est quoi qui peut annuler notre foi? Si ça devient notre hum, nos préoccupations, notre préoccupation, principale préoccupation, ça devient là, on fera beaucoup de progrès, beaucoup d'efforts dans notre dîn. Qala, wa kullu hadha min ziyadati l'iman wa naqsihi wa min quwwatihi wa dha'fihi. Wa kana khiyar l'umma. والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت تأمل هذا كل وقت يتعاهدون يتعاهدون ça veut dire que ils se remettaient en question, ils vérifiaient, hey, j'en suis où, est-ce que j'ai fait salat à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait salat al-duha, est-ce que j'ai fait le witr, est-ce que j'ai jeûné 3 jours par mois, est-ce que j'ai jeûné lundi et jeudi, est-ce que j'ai aidé tel frère? Est-ce que j'ai lu? Est-ce que j'ai révisé le Coran? Est-ce que... C'est ça. Ta'ahoud al-Iman. C'est pas qu'une prétention. Je suis mu'min et wa'aduhum, salat, il ne la fait pas. Salat. Salat qui est la base de la foi, une des bases, il ne la fait pas. Thumma, il parle, annahu, c'est un mu'min, mon cœur il est blanc. Annahu, madri, madri, les œuvres qu'il fait. Alors qu'il n'y a rien. Kalam, faqat. قال هؤلاء الرجال الأولون كانوا يتعاهدون إيمانهم كل وقت شاك انستان قال يجتهدون في زيادته وتقويته اجتهاد ça ça nous montre أن الزيادة والتقوية أي le fait de renforcer ta foi et de l'augmenter c'est pas en parlant c'est pas en parlant pour rien dire là c'est اجتهاد الاجتهاد c'est quoi c'est avec الأعمال avec l'أعمال et des paroles تجتهد. Et Kadalik, on a un point important. Annahaoula, il ne regarde pas les autres. Il y a une maladie, elle s'est propagée encore plus à notre époque. Annahaoula, au lieu de se remettre en question sur leur foi à eux, regarde pas les manquements des autres. Si les autres, ils ont un manquement, tu peux intervenir avec nasiha, conseil, entraide, etc. Amma, cité. Bardana, si, cite. Ouais, mais un tel, il fait pas, un tel, il fait pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Enfin, regarde pas les autres, là, regarde-toi. Maintenant, la journée d'aujourd'hui, depuis le Fajr, chez nous, c'est bientôt Al-Maghrib. Est-ce que j'ai eu des manquements? Et tu verras que tu as eu et j'ai eu des manquements. Et on essaie de se corriger. Amma les autres. Badness, ouais, mais un tel, il fait pas, un tel, il fait pas pour se rassurer. L'échec, si tu regardes ceux qui vendent la drogue, ils font pas salat. Et ils sont injustes envers les autres. Mauvais comportement. Enfin, Shaitan, il va te faire croire que tu as atteint les hauts degrés. Fais attention à ça. On a cité souvent le hadith. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné fi umur dunya de regarder ceux qui sont en dessous de nous, comme on l'a vu dans la dernière kalima. Si tu as des problèmes, tu as un manque d'argent, un manque de santé, etc., regarde ceux qui n'ont pas. Ça va te rassurer. Et fi umur din, regarde ceux qui sont au-dessus de toi. Regarde pas les pécheurs, ceux qui font des mansa et bla. Regarde ceux qui sont au-dessus. Prends exemple sur les compagnons, sur les savants, sur Ahlul Khayr, et tu verras que tu as d'énormes manquements. Ça va te permettre de faire des efforts. Qala, rahimahullah, wa yas'alun Allah an yuthabbita imanahum wa yazidahum minh min ulumihi wa a'malihi wa ahwalihi. Deux choses il a citées. Al-ijtihad, ça c'est la première chose. Ben la première chose. يتعهدون, la première chose, c'est une pensée. Le fait de se rappeler, ça doit te préoccuper. Ça, c'est la première chose. Thumma, cette pensée, elle doit te pousser à œuvrer. Al-ijtihad. Et là, si tu es occupé, cette préoccupation, ben, tu dois t'améliorer. Et là, ben, tu te préoccupes, tu te fais que du mal. Donc, se préoccuper, y penser, mettre en application l'ijtihad, et troisièmement, demander à Allah Azza wa Jal qu'il te facilite. Limadha li anna, même si tu te préoccupes, même si tu veux faire des efforts, si Allah ne te facilite pas, tu n'arriveras à rien. Fa yas'alun Allah an yuthabbit imanahum. Demande à Allah al-thabat. Combien de gens ont perdu, combien de gens ils ont perdu leur foi. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te guide, qu'il te fasse mourir en tant que mu'min. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qal wa yazidahum. Qu'Allah il te facilite les causes pour augmenter ta foi. Que ça soit min ulumihi wa a'malihi wa ahwalihi. Vous avez remarqué, il a commencé par l'ilm, parce que c'est la base. Tu veux augmenter ta foi, fais des efforts dans l'ilm. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite l'apprentissage, la mémorisation, bien sûr la mise en application. قَالَ فَنَسْأَلُ اللَّهِ أَنْ يَزِيدَنَ عِلْمًا وَيَقِينًا وَطُمَأْنِينَةً بِهِ وَبِذِكْرِهِ وَإِيمَانًا صَادِقًا. Dua jamil. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله. Donc il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse augmenter notre foi, qu'il nous rajoute de la certitude et qu'il nous donne la véracité. Être véridique dans notre foi. قَالَ وَخِيَارُ الْخَلْقِ أَيْضًا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام. Il a cité cet exemple sur Khiyar al-Khalq, les prophètes et les messagers alayhim as-salatu wassalam. Il a cité l'exemple plus précisément de Ibrahim. Thomas va citer un deuxième exemple sur Isa pour conclure. Alayhim as-salatu wassalam. قال الله عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. Ibrahim, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, « Ya Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. »« قال أولم تؤمن » Allah, il a dit à Ibrahim, « أولم تؤمن » Est-ce que tu ne crois pas ?« قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » Il a dit, « Je crois, ya Allah, لكن ليطمئن قلبي » Et ça montre, hein, d'accord, ça montre que bien sûr que Ibrahim y croyait, croyant la résurrection. Ben, c'est le meilleur croyant qu'il n'y a jamais eu sur terre après notre prophète Mohammed A.S.A.W. Lakin l'a dit, walakin yatma'inna qalbi. Et il avait la certitude, lakin pour lui rajouter de la certitude. Qala Azza wa Jal, qala fakhud arba'atan min at-tayr, fassurhunna ilayka thumma j'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, thumma d'uhunna yatinaka sa'ya. Allah, il lui a dit de prendre quatre oiseaux, de les découper, quatre oiseaux, de les découper, de les propager à droite à gauche et de les appeler, ils reviendront. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَقَالَ تَعَالَى وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Pour revenir à قوله إلى عين اليقين بعد علم اليقين إلى آخره. علم اليقين, c'est le fait de connaître une chose. Tu as la certitude, tu as l'ilm. Maintenant, on garde l'exemple de Ibrahim. On a tous la conviction, wallahilhamd, en tant que croyant, qu'Allah il ressuscitera les morts. Ça, c'est ilm al-yaqin. On est sûr. On a de la science sur ça et on a la foi, wallahilhamd. Ayn al-yaqin, c'est le fait de le voir. Enfin, Ibrahim, il a demandé le fait de le voir à un niveau au-dessus dans la certitude. Walakin liyatma'inna qalbi. Anta, maintenant, tu crois en la résurrection des morts. Wallahilhamd, tu n'as aucun doute. On n'a pas le droit d'avoir de doute. Ça fait partie de la foi. Lakin, si tu verrais devant toi un mort ressuscité, est-ce que ça te rajouterait de la certitude? Il n'y a aucun doute. C'est ça. Aïn al-yaqin. Tu vois avec tes yeux. Ce n'est pas la même chose. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'a laissé le khabar qu'al mu'ayna. L'information, ce n'est pas comme le fait de voir. Même si tu as une information et tu es sûr, tu as la certitude, si tu vois, ça va t'augmenter de la certitude. On revient à quoi? Et c'est pour ça qu'il a cité. C'est pour ça qu'il a cité Hadahuna. La foi, elle augmente et elle diminue. La certitude elle-même, elle augmente. On peut être sûr, nous, d'une chose, mais ta certitude, elle est plus élevée que ma certitude. Il a cité cet exemple. قال والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى عن هذا الطلب. Quand الحواريون, les proches de المسيح, عيسى ابن مريم, عليه الصلاة والسلام, ils lui ont demandé que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur fasse descendre une table avec de la nourriture, عيسى, il les a conseillés. قالوا الله إلى rapporté leurs paroles في القرآن قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الشيخ سعدي فذكروا حاجتهم الدنيوية وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك. Ça veut pas dire qu'ils avaient des doutes, لكن كما قال إبراهيم وتطمئن قلوبنا. C'est pour que leur certitude, elle augmente encore plus. Hada, wallahu ta'ala a'lam. C'est l'heure de salat indana. Wallillahi l'hamd, on a fini. Fanaktafi bihada. Et nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yazidana al-iman wa al-taqwa wa al-salah innahu waliyu dhalik wa al-qadiru alayhi wa alhamdulillah. Prochain dars, inshallahu ta'ala, dimanche. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.